إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture et l'étude du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre 21 que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé « Chapitre au sujet de ce qui est rapporté concernant le fait que l'exagération à l'égard des tombes des vertueux en fait des idoles adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. » On a vu dans les chapitres précédents que l'exagération à l'égard des tombes des vertueux désigne le fait de dépasser les limites légiférées à leur sujet, et ce, en les vénérant, ou en priant à proximité des tombes, en se rendant auprès d'elles pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire des sacrifices, ou autre chose semblable. Et ce, car l'exagération à ce sujet mène au polythéisme, cela mène au shirk. Et on a vu que ce qui est légiféré concernant les tombes des vertueux et les tombes des musulmans de manière générale, c'est de les respecter et d'en prendre soin, de ne pas porter préjudice à leurs tombes, et de les visiter pour trois raisons. Pour adresser les salutations de la manière légiférée aux habitants de ces tombes, pour invoquer en leur faveur afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde son pardon et sa miséricorde, et également le fait d'en tirer des leçons, d'en tirer une exhortation, afin de se rappeler de la mort. Cela est ce qui est légiféré. Quant à l'exagération, se rendre auprès des tombes pour rechercher la bénédiction, ou pour invoquer ou prier en pensant que, en cet endroit, on sera plus à même d'être exaucé et que notre prière sera plus à même d'être acceptée, alors tout ceci rentre dans l'exagération qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager n'ont pas légiféré, et cela est même interdit, car cela est une des causes menant au shirk. Et le shir, rahimahullah ta'ala, il nous précise dans ce chapitre que cela en fait des idoles adorées en dehors d'Allah. C'est-à-dire qu'à l'avenir, si les gens commencent à se rendre auprès de la tombe d'un tel ou d'un tel, en prétendant qu'auprès de cette tombe les invocations sont exaucées, ou que les prières et les sacrifices sont plus à même d'être acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala, avec le temps, ceci va mener au fait que cette tombe deviendra une idole adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que les gens se mettent à prier pour cette tombe, à invoquer l'habitant de cette tombe, à faire des sacrifices pour lui, à lui vouer des vœux et autres parmi les formes d'adoration. Le shir rahimahullah ta'ala a donc voulu nous démontrer ici la conséquence de l'exagération à l'égard des tombes des vertueux. Il a donc dit rahimahullah, et Malik rapporte dans Al-Muwatta que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole adorée. La colère d'Allah s'est aggravée sur des gens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme masajid, c'est-à-dire, comme on a vu hier, comme lieu de prière. » Donc Malik, c'est Malik ibn Anas, le grand savant de Médine qui est un des quatre grands imams de l'islam. Et Al-Muwatta, c'est un livre qu'il a écrit dans le hadith et le fiqh. Et c'est une des références, parmi les références, de la communauté islamique. Il rapporte donc dans ce livre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit cette invocation. « Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole adorée. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc invoqué son Seigneur subhanahu wa ta'ala afin qu'il préserve sa tombe de l'exagération à son sujet, comme cela s'est produit dans les communautés précédentes, comme on a vu les juifs et les chrétiens qui exagéraient à l'égard des tombes de leurs prophètes. Il a donc dit sallallahu alayhi wa sallam, ne fais pas de ma tombe une idole adorée. Ceci nous indique très clairement ce que le cheikh rahimahullah ta'ala a voulu nous indiquer dans ce chapitre, que le fait d'exagérer à l'égard d'une tombe en fait par la suite une idole adorée, car ceci est le résultat de l'exagération à l'égard de la tombe. Mais comme on l'a vu hier, Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa demeure. Elle restera ainsi préservée, bi'idhnillahi ta'ala, et ce, car Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a vu hier, dans la parole de Aïcha radiallahu ta'ala anha, que si ce n'était cette crainte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été enterré dans un lieu apparent. Mais il a été enterré dans sa maison, afin que les gens ne puissent pas se rendre auprès de sa tombe pour faire des invocations, pour prier auprès de celle-ci ou pour rechercher la bénédiction. Et ce qui est légiféré pour celui qui se rend à Médine et passe à proximité de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le saluer, sans rester auprès de celle-ci, sans se recueillir et sans multiplier les visites de la tombe. Car c'est ainsi que faisaient les compagnons radiallahu ta'ala anhum. Ceux qui étaient à Médine, lorsqu'ils rentraient à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne se rendaient pas systématiquement auprès de sa tombe. Car ceci est une forme d'exagération. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils se rendent à Médine, à l'occasion de la Umrah ou du pèlerinage, ils visitent ensuite la ville de Médine, et après chaque prière, ils se rendent devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une forme d'exagération à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas légiféré. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui portaient un amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien plus grand que le nôtre, et qui étaient attachés au suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à la pratique de l'islam authentique, ils ne faisaient pas cela. Car ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis en garde contre l'exagération à l'égard des tombes. À tel point que l'on rapporte que Malik, rahimahullah ta'ala, il réprouvait qu'un homme dise « J'ai visité la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Car lorsque tu te rends à Médine, ce n'est pas pour visiter sa tombe. Tu voyages pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très important. Celui qui voyage avec cette intention, son voyage n'est pas légiféré. Mais ton intention doit être de visiter sa mosquée. Donc Malik rahimahullah ta'ala, il réprouvait que l'on dise « J'ai visité la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Car il n'y a aucune preuve spécifique nous démontrant qu'il est légiféré de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'une autre tombe. Et tous les hadiths qui peuvent être rapportés dans certains livres à ce sujet, les gens de science ont dit que ce sont des hadiths très faibles, ou pire encore, des hadiths inventés. Rien n'est rapporté de manière authentique à ce sujet. Donc la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rentre dans la généralité de sa parole, visitez les tombes, car elle vous rappelle l'au-delà. Cela rentre dans la généralité de ce hadith, et rien de particulier n'est rapporté quant à la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, la colère d'Allah s'est aggravée contre des gens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme masajid. On a vu dans le cours d'hier que le fait de les prendre comme masajid, c'est-à-dire de prier auprès de ces tombes ou d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala auprès de ces tombes et ainsi de suite. Donc on voit à travers ce hadith que celui qui prend la tombe pour lieu de prière, il en a alors fait une idole adorée. Comment on déduit cela de ce hadith? Regardez la première phrase. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah et lui demande que sa tombe ne soit pas une idole adorée. Et ensuite, il nous explique comment une tombe peut être une idole adorée. Il dit, la colère d'Allah s'est aggravée contre des gens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme masajid, comme lieu de prière. Donc ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière, ils en ont alors fait des idoles adorées, wal'iyadu billah. Donc ceci nous indique que les mausolées, qui sont construits au-dessus des tombes, et autour desquelles les gens font le tawaf, et auprès desquels ils font des vœux, des sacrifices, des invocations et des prières, tout ceci est semblable à ce que faisaient les gens de la jahiliya, auprès de Lat et de l'Uzza. Même s'ils appellent leurs mausolées des masajid, qu'ils disent « ceci n'est qu'une mosquée », l'appellation, elle ne change rien à la réalité de la chose. Car la réalité, c'est que ces tombes, ces mausolées, ce sont des idoles adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit, et Ibn Jarir, qui est un grand imam parmi les mufassirines, les savants de l'exégèse du Coran, Muhammad ibn Jarir, at-Tabari, l'auteur du tafsir, qui est la référence de tous les savants du tafsir qui sont venus après lui. Il rapporte donc, avec sa chaîne de transmission, d'après Sofiane, d'après Mansour, d'après Mujahid, qui est un tabi'i, l'un des plus grands élèves de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. C'est donc un grand imam du tafsir. Il a dit au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Najm au verset 19, Afaraytum al-Lat wal-Uzza. Voyez-vous al-Lat et al-Uzza. Il dit, au sujet de l'Lat donc, qu'il broyait un mélange d'orge et de pâte de date, comme l'ont mentionné certains parmi les gens de science. Lorsque cet homme est mort, les gens se rendaient auprès de sa tombe, c'est-à-dire pour se recueillir. Il dit ensuite, et c'est ainsi qu'a dit Abul Jawza, d'après Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum, qu'il broyait un mélange d'orge pour les pèlerins. Donc on a vu dans un cours précédent que Lat et l'Uzza, ce sont les noms des idoles qu'adoraient les polythéistes de Quraysh. Et Lat, c'était un homme qui avait pour habitude de nourrir les pèlerins lorsqu'ils se rendaient à la Mecque. Donc étant donné qu'il était au service des gens, qu'il les nourrissait, qu'il était bienfaisant envers eux, les gens se sont attachés à lui. Et lorsqu'il est mort, ils furent pris de tristesse, alors ils ont pris pour habitude de se rendre auprès de sa tombe pour se recueillir. Quelle a été la conséquence? Sa tombe est devenue une idole adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce récit est une preuve de plus que l'exagération à l'égard des tombes des vertueux en fait des idoles adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Lat, c'était un homme vertueux. Et sa tombe est devenue une idole adorée. En raison de quoi? En raison de l'exagération à son sujet et du fait que les gens se rendaient auprès de celle-ci pour se recueillir. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné un autre hadith. Et il dit, d'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celle qui visite les tombes et ceux qui les prennent pour lieu de prière et qui y placent des lumières. Et ce hadith est rapporté par les gens des Sunan, c'est-à-dire Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et An-Nasai, rahimahumullahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce hadith, il nous est rapporté qu'il a maudit, c'est-à-dire qu'il a invoqué pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne, prive et exclue de sa miséricorde celles qui visitent les tombes, c'est-à-dire les femmes qui visitent les cimetières. Et les gens de science ont dit que ceci est une preuve de l'interdiction pour les femmes de visiter les cimetières. Et ceci est l'avis de la majorité des gens de science. Et ils ont expliqué cela en disant que la femme, de par sa nature, elle est plus faible que l'homme. Il se peut qu'en voyant la tombe d'un de ses proches, de son fils, de son père, de son frère ou de son mari, alors elle ne se contrôle pas et qu'elle se mette à se lamenter, à faire des choses qui ne sont pas légiférées. C'est donc pour cela qu'il ne lui est pas permis de se rendre auprès des tombes et de les visiter. Et ici, j'attire votre attention sur un point important concernant ce sujet. Et c'est le fait que pour profiter à un proche qui est décédé, ce n'est pas une nécessité de se rendre auprès de sa tombe. Si tu as un parent qui est décédé, un enfant ou un ami qui est décédé, et que tu souhaites lui profiter après sa mort, alors la plus grande chose par laquelle tu peux lui profiter, c'est l'invocation en sa faveur. Et ce n'est pas une condition pour cela de te rendre auprès de sa tombe. Au contraire, tu peux invoquer à tout moment, et notamment dans les moments propices à l'exaucement des invocations, comme au dernier tiers de la nuit, entre l'adhan et l'iqama, lorsque tu es en voyage, lorsque tu es en prière, lors de ta prosternation, au moment où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-ci sont des moments propices pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale, et notamment pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de tes proches décédés. Et il y a un grand mérite en cela. Dans un hadith authentique, il est rapporté que des parents se retrouveront à un degré éminent au paradis. Ils seront alors surpris et diront « Oh Allah, que nous vaut cela ?» Ils seront étonnés du rang qu'ils ont au paradis, du degré qu'ils ont atteint. Alors on leur répondra « Ceci est en raison de l'imploration du pardon de votre enfant en votre faveur. » C'est-à-dire qu'après leur mort, ils ont laissé un enfant vertueux qui ne les a pas oubliés, mais qui invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Ceci est donc la meilleure action que tu peux faire en faveur d'un proche décédé, notamment les parents, de ne pas les oublier dans tes invocations. Également, les gens de science ont mentionné d'autres œuvres, comme l'aumône, que tu fasses des aumônes avec l'intention que la récompense de celle-ci leur revienne. Et dans ce cas-là, il est recommandé de choisir les aumônes les plus profitables, c'est-à-dire des aumônes dont le profit est collectif et durable, comme par exemple en finançant la construction de mosquées, la construction d'écoles coraniques, la construction de le forage de puits, et ainsi de suite. Tout ceci sont des aumônes qui sont durables, inshallah ta'ala, dont le profit est constant et durera longtemps. Et également, il est permis d'accomplir le pèlerinage et la umra afin que la récompense leur revienne, comme cela est venu dans des hadiths authentiques. Ceci était donc une petite parenthèse concernant les actes qui peuvent être profitables pour la personne parmi les proches qui est décédée. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a donc maudit celles qui visitent les tombes et ceux qui les prennent pour lieu de prière, comme on l'a vu dans les chapitres précédents. Et il a ajouté également ici, et qui place des lumières, qui place des lumières dans les cimetières au-dessus des tombes. Et ce car, ceci est une forme d'exagération à l'égard des tombes. Et cela peut mener au polythéisme. En effet, si les tombes sont éclairées, qu'elles sont embellies, qu'elles sont ornées, elles vont alors attirer le regard des gens. Il se peut que certains parmi les ignorants se mettent alors à les visiter, à se rendre régulièrement auprès d'elles, pour accomplir des actes d'adoration, et petit à petit, comme on l'a vu, se mettre alors à les adorer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui est légiféré, c'est que les cimetières restent sans éclairage. Et si les gens ont besoin d'enterrer une personne la nuit, alors ils viennent eux-mêmes avec des lumières, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. On voit donc à travers ces différents textes que l'auteur rahimahullahu ta'ala a mentionné dans ce chapitre, premièrement, ce qui est le sujet de ce chapitre, que l'exagération à l'égard des tombes des vertueux en fait des idoles adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le démontre l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: Ô Allah, ne fais pas de ma tombe une idole adorée. Et l'exagération à l'égard des tombes, c'est de les prendre pour lieu de prière, comme il est venu dans la suite du hadith. La colère d'Allah s'est aggravée sur des gens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière, comme lieu où ils se rendent pour invoquer, en pensant que leur invocation sera plus propice à être exaucée. Et tout ceci fait partie des croyances innovées qui ne sont pas légiférées en islam. Deuxièmement, on tire de ces textes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la tombe de son messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a exaucé son invocation. En effet, sa tombe a été préservée de l'exagération à son sujet. Elle a été entourée de murs et les gens ne peuvent pas se rendre auprès d'elle. Ils ne peuvent même pas la voir ni l'atteindre. Et tout cela afin d'empêcher l'exagération à l'égard de la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ces textes que le fait de se rendre auprès des tombes des vertueux pour se recueillir, cela est une chose qui mène à les prendre pour idoles adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela s'est produit avec la tombe de Lat, comme on l'a vu dans le récit. Le quatrième bénéfice, c'est la réfutation de ceux qui prétendent que de bâtir des dômes ou des mausolées ou des constructions au-dessus des tombes des vertueux est une manière de manifester son amour envers eux. Celui qui aime les vertueux, il n'a pas besoin de faire cela. Il n'a pas besoin de construire des dômes, des mausolées au-dessus de leurs tombes. L'amour des vertueux, comme on l'a mentionné dans un cours précédent, il se manifeste par l'invocation en leur faveur, le fait de les mentionner en bien et le fait de les prendre pour modèle dans le bien. Ceci est l'amour légiféré des vertueux. Quant au fait de construire au-dessus de leurs tombes, ceci est de l'exagération et ne fait pas partie de l'amour envers les vertueux. Mais cela revient plutôt à les prendre pour idoles adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième bénéfice que l'on tire de ces textes, comme on l'a vu, c'est l'interdiction pour les femmes de visiter les tombes. Et enfin, le sixième bénéfice que l'on va citer ici, c'est l'interdiction d'éclairer les cimetières. Et ce, quelle que soit la manière, que ce soit avec des torches ou alors que ce soit avec des lampadaires électriques ou autre chose semblable. Tout éclairage est interdit dans les cimetières car le fait de les éclairer mène à l'exagération à l'égard des tombes et, comme on l'a vu, cela en fait des idoles adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit ce qui éclaire les cimetières, car cela est une cause menant au polythéisme. On a donc terminé ce chapitre, et comme il nous reste un peu de temps, on va passer directement au chapitre suivant, insha'Allahu ta'ala, qui est le 22e chapitre. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, l'a intitulé « Chapitre sur ce qui est rapporté » au sujet des efforts du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour protéger le domaine du tawhid et couper toutes les voies menant au shirk. Le shirk, rahimahullah ta'ala, a consacré un chapitre à ce sujet dans le but d'insister sur cela. Mais en réalité, tous les chapitres qui ont précédé, que l'on voit depuis quelques cours, que ce soit ceux au sujet de l'exagération à l'égard des vertueux, ou de l'exagération à l'égard de leur tombe, la cause de la mécréance des enfants d'Adam, on a vu dans tous ces chapitres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit toutes les causes menant au shirk, et ce afin de couper toutes les voies et tous les chemins menant au polythéisme. Tous ces chapitres, en réalité, ils sont sur le même sujet. Il ne faut pas s'étonner de cela, il ne faut pas s'étonner du fait que le shir, rahimahullah ta'ala, a répété cela dans plusieurs chapitres et sous plusieurs angles et de diverses manières. Et ce, car c'est un sujet très important, qui ne doit pas être négligé. Car comme on a vu, le shirk, il n'est apparu dans cette communauté qu'en raison de l'exagération à l'égard des tombes, l'exagération à l'égard des vertueux, l'exagération à l'égard du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le shirk n'est apparu au sein de notre communauté qu'en raison de ces choses-là. Depuis que les masajid, les mosquées, ont été construites au-dessus des tombes, depuis l'apparition du tasawwuf, du soufisme, au sein de la communauté, le shirk s'est multiplié et s'est aggravé. Et ce, chez de nombreuses personnes et dans de nombreuses contrées où les gens se réclament de la religion de l'islam. Ceci nous montre donc que cette question est une question très dangereuse. Et c'est pour cela que le cheikh, rahimahullah ta'ala, a insisté sur ce sujet et l'a répété. Car c'est la chose la plus grave qui a atteint notre communauté. Il a donc voulu attirer l'attention des gens de science et attirer l'attention des musulmans de manière générale contre ce grave danger afin qu'ils puissent y remédier. Et ce, dans le but d'appeler au tawhid et de mettre en garde contre le shirk. Car comme on l'a vu, si les gens de science se taisent à ce sujet, alors le shirk ne fera que s'aggraver et ne fera que plus se propager encore. Car l'ignorance se propagera et les gens penseront que ces choses font partie de la religion. Comme cela est la situation aujourd'hui. Beaucoup de gens, ils pensent que vénérer les tombes, se rendre auprès d'elles, tourner auprès d'elles, faire des sacrifices auprès d'elles, ils pensent que cela fait partie de l'islam. Et si tu les avertis à ce sujet, que tu les appelles au tawhid, alors tu te feras qualifier d'extrémiste. Ils vont dire celui-ci est un extrémiste, celui-ci est un wahhabiste, et ainsi de suite parmi les sobriquets qu'ils lancent contre les prêcheurs au tawhid. Et ce, car ils ont inversé la réalité des choses. Car la religion avec laquelle sont venus les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam, comme on l'a mentionné dans les premiers chapitres, c'est l'ikhlas. Le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela la religion de l'islam. Quant à l'adoration des tombes, ce n'est pas la religion des musulmans. Mais c'est la religion de qui? C'est la religion d'Abu Jahl. C'est la religion d'Abu Lahab. C'est la religion des polythéistes de Quraysh vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Mais ce n'est pas la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais étant donné que l'ignorance s'est propagée au sujet du tawhid, il s'est produit dans la communauté ce qui s'est produit comme exagération à l'égard des tombes et comme diffusion de différentes formes de polythéisme, pensant que cela fait partie de la religion, Allah al-Musta'an. C'est donc pour cela que le cheikh, rahimahullah ta'ala, a insisté sur ce sujet. Il nous dit donc dans ce chapitre, chapitre sur ce qui est rapporté au sujet des efforts du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour protéger le domaine du tawhid, c'est-à-dire pour protéger les limites du tawhid, et que ne s'immiscent pas dans la religion des choses menant au shirk, menant au polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accordé une grande attention à cela, comme on l'a vu dans différents hadiths jusqu'à maintenant, et comme on va le voir à travers les hadiths que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés dans ce chapitre. Il a donc interdit toute cause ou tout moyen qui mène au polythéisme, même si cette chose à la base elle est légiférée. À l'exemple de la prière. La prière à la base c'est une adoration qui est légiférée. Mais si elle accomplit auprès des tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdite. Pourquoi? Car cela peut mener au polythéisme. L'invocation, c'est une chose qui est légiférée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se rendre auprès des tombes et d'en faire des lieux de culte, des lieux d'adoration, des lieux d'invocation. Pourquoi? Car ceci peut mener à les adorer et en faire des idoles adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien que l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala soit légiférée, elles sont interdites si elles sont faites où? Auprès des tombes. Pourquoi? Car cela peut mener au polythéisme. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une grande importance à ce sujet, et ce afin de préserver le domaine du tawhid, et afin que le shirk ne s'immisce pas dans les pratiques culturelles des musulmans. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a donc commencé par citer dans ce chapitre le verset 128 de Surat At-Tawbah, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. On voit donc qu'il fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a envoyé à cette communauté un messager pris parmi eux et auquel pèsent lourd les difficultés que nous subissons et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc ce verset, le Cheikh rahimahullah ta'ala l'a mentionné dans ce chapitre car il nous démontre les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé parmi les hommes. Les difficultés que subissait sa communauté pesaient lourd pour lui. Et il était compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc si telles sont ses caractéristiques, il n'y a pas de doute qu'il va appeler sa communauté à ce qui lui profite, et qu'il va la mettre en garde contre ce qui lui nuit. Et entre dans cela la préservation du domaine du tawhid et la mise en garde contre le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc donné une grande importance à cela et ce afin d'éloigner sa communauté de ce qui l'amène au feu de l'enfer. Car celui qui fait du shirk, sa destination finale sera l'enfer. Le paradis lui sera interdit s'il meurt sur le polythéisme majeur, sans s'en repentir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela, et il nous a interdit tout ce qui pouvait nous mener à y tomber. Et ceci fait partie de sa compassion envers sa communauté. Également, il nous a mis en garde contre cela car ceci est le plus grand danger et la plus grande difficulté que peut subir la communauté. Il n'y a pas de plus grande calamité que le shirk. Il n'y a pas de plus grande difficulté que le shirk. Car le polythéisme, il corrompt la vie de la personne ici-bas et dans l'au-delà. Comme on a dit, le polythéiste, s'il meurt sur cela, sur le polythéisme majeur, il ne connaîtra dans l'au-delà que le châtiment. Donc, il est évident que si telle est la situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas négliger la mise en garde contre le polythéisme. Mais il a sévèrement mis en garde contre le shirk et contre toutes les voies menant au polythéisme, comme on l'a vu dans les différents hadiths, dans les chapitres précédents et dans les textes que l'on va lire après cela, inshallah ta'ala. Donc le shirk, c'est la chose la plus grave contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté. Car c'est le plus grand danger et c'est la plus grande difficulté qui peut nous toucher. Aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils se soucient de choses qui sont parfois secondaires. Ils se soucient d'avoir ou non certaines libertés. Ils se soucient d'avoir ou non certains droits dans certains endroits. Mais ils ne se soucient pas du shirk qui est présent dans la communauté. Certains disent aujourd'hui il est venu le temps que les musulmans s'unissent afin de pouvoir défendre leurs droits, afin de pouvoir préserver leur liberté de culte et ainsi de suite parmi les choses auxquelles appellent certains prêcheurs au sectarisme et à l'innovation. Mais la chose la plus importante à laquelle il est nécessaire d'appeler et contre laquelle il est nécessaire de lutter, c'est d'appeler au tawhid et de lutter contre le shirk. Certains voudraient que l'on cesse de mettre en garde contre le polythéisme, que l'on cesse de mettre en garde contre les sectes déviantes de l'islam, sous prétexte d'unir la communauté. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie des plus grandes faussetés. Sur quoi la communauté va être unie si elle n'est pas unie sur la croyance authentique? Il n'est pas possible de réunir les gens si ce n'est sur la croyance authentique. Et si les gens sont unis sur une croyance corrompue ou une croyance qui diverge, alors leur union ne sera pas profitable. C'est pour cela qu'il est indispensable de donner de l'importance à la croyance, de donner de l'importance à l'appel au tawhid et de donner de l'importance à la mise en garde contre le shirk, afin que le shirk disparaisse de la communauté, afin que les musulmans soient conscients que ceci est l'ordre le plus important de leur religion. Et s'ils comprennent cela, c'est ainsi qu'ils s'uniront de manière correcte et authentique sur la religion de vérité. Car la seule chose qui peut unir les musulmans, c'est le tawhid, de s'unir sur la parole « La ilaha illallah » en la prononçant, en ayant la conviction de ce qu'elle implique et en la mettant en pratique. Et c'est ce qui a réuni les Arabes à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui a fait d'eux une communauté unie. Et c'est ce qui fera des musulmans une communauté unie, et ce, à la fin des temps. Sans cela, il n'est pas possible de se réunir. Aussi nombreuses soient les causes que les gens feront pour unir les musulmans, qu'ils fassent des organisations, des associations ou autres, ceci ne mènera à rien, ils ne feront que se fatiguer. Car l'union des musulmans, elle ne peut avoir lieu que par l'union sur la croyance authentique, la croyance du tawhid, et en s'écartant de toute forme de polythéisme, de toute croyance corrompue, de toute innovation et de toute méthodologie déviante s'opposant à la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui unit les musulmans, c'est la croyance du tawhid et le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme ils ont été unis au début de cette religion. Et comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ne pourra réformer les dernières générations de cette communauté que ce qui a réformé les premières générations. Et qu'est-ce qui a réformé les premières générations? La croyance du tawhid et le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le shir, rahimahullah ta'ala, il nous a donc mentionné après ce verset deux hadiths. Il dit donc, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos demeures des tombes, et ne faites pas de ma tombe un lieu de Eid, un lieu de commémoration, de célébration. Priez sur moi, car votre prière me parvient où que vous soyez. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud d'une bonne chaîne de transmission, et ses rapporteurs sont dignes de confiance, comme l'a mentionné l'auteur. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé trois paroles. La première est: ne faites pas de vos demeures des tombes. C'est-à-dire, ne privez pas vos demeures du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Multipliez dans votre demeure le rappel d'Allah, multipliez les prières surérogatoires, multipliez la récitation du Coran. Car si vous privez vos demeures de cela, vos demeures seront alors semblables à des tombes. Car c'est dans les tombes qu'il n'y a plus d'œuvres. Il y a des gens, ils pensent que l'adoration, par exemple, elle est limitée à la mosquée, ils rentrent chez eux, ils ne font plus d'œuvres de bien. Ni prière, ni dhikr, ni lecture, ni rien d'autre. Mais c'est dans la tombe qu'il n'y a plus d'œuvre, que la personne ne peut plus agir. Lorsque tu entres chez toi, tu ne dois pas faire comme si tu étais dans une tombe. Mais tu dois donner de l'importance à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta maison. La remplir de rappel d'Allah, en multipliant la lecture du Coran, multipliant les prières surérogatoires, les prières de nuit, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné dans un autre hadith que les prières surérogatoires soient accomplies dans les demeures. Quant aux prières obligatoires en ce qui concerne les hommes, elles sont accomplies dans les mosquées. Et tout ceci a pour but que ton foyer vive par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu multiplies les œuvres de bien dans ta demeure, alors les démons s'éloigneront de ta maison. Et les gens qui grandissent dans cette maison, qui y vivent et qui sont éduqués, parmi les femmes, les enfants et ainsi de suite, alors ils seront éduqués sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et ressortira de ce foyer beaucoup de bien, bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est ainsi que doit être la demeure du musulman monothéiste. Mais si ta demeure est vide de rappel d'Allah, et que les gens qui y vivent sont sur l'ignorance, n'apprennent pas leur religion, sont dans l'insouciance, distraits du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils sont semblables à des morts. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un autre hadith, l'exemple de la maison dans laquelle on se rappelle d'Allah et celle où on ne se rappelle pas d'Allah est tel l'exemple du vivant et du mort. Alors que dire si en plus du délaissement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ramène dans les foyers des causes menant au mal, au péché et à la corruption des mœurs et des croyances. Comme c'est le cas aujourd'hui avec tous ces moyens modernes qui sont rentrés dans les foyers. Commencer par la télévision et pire encore aujourd'hui avec Internet, les ordinateurs, les téléphones et ainsi de suite. Où la personne a accès à toute forme de corruption, de perversion, que ce soit la perversion des mœurs ou la perversion des croyances. Il n'y a pas de doute que ceci comporte un grand mal pour la communauté, de manière générale et plus particulièrement pour les foyers. Toute perversion, tout mal, toute mécréance, tout polythéisme peut atteindre les foyers à travers ces appareils qui sont mis à disposition des jeunes et des moins jeunes. Et les parents, ils ont une grande responsabilité en cela, car ce sont eux les responsables des foyers. Et s'ils laissent leur demeure ainsi, loin du rappel d'Allah, et plongés dans l'insouciance ou pire encore dans les péchés, alors ces demeures deviendront des refuges pour les diables. Elles ne seront pas simplement semblables à des tombes, mais ce sera un refuge pour les démons, wal-iyadu billah. Et il n'y a pas de doute que les gens qui sortiront d'un tel foyer cela aura de l'impact sur eux. Car la présence des démons, elle a un impact mauvais sur la personne. Les gens deviendront mauvais. Ils seront privés de pudeur, privés d'amour du bien. Et ils seront éprouvés par l'amour du mal, l'amour des péchés. Car ils vont souhaiter reproduire le mal, la perversion, les choses mauvaises qu'ils voient à travers ces appareils, que ce soit sur Internet ou à la télévision ou autre. Et c'est ainsi que les mœurs seront perverties, que les gens perdront leur chasteté, délaisseront les actes de bien, comme la prière, en la négligeant, en la retardant, ou pire encore, en la délaissant totalement. Regardez la situation de nombre de musulmans aujourd'hui, lorsque sont diffusés à la télévision des événements sportifs. Et je pense que nombre de frères parmi ceux qui écoutent savent l'état des rangs dans les mosquées lors des grandes compétitions sportives, Wallah al-musta'an. Est-ce ainsi que l'on pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous secourir? Est-ce ainsi que l'on pense qu'on obtiendra le secours et le triomphe? C'est pour cela que le musulman, il doit donner de l'importance à ce que son foyer soit un foyer vivant, un foyer dans lequel on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les parents, ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci est leur responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: Ya ayyuhalladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara, wa qudaha an-nas wal hijara. Ô vous qui croyez, protégez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible seront le jonc et les pierres. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, malheureusement, ils ne se sont même pas protégés eux-mêmes. Alors comment pourraient-ils protéger leur famille du feu? Wallah al-musta'an, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer et d'améliorer notre situation et de nous faire revenir à notre religion de la meilleure manière. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne dans ce hadith de ne pas faire de nos demeures des tombes. Il nous donne donc l'ordre de donner de l'importance à nos foyers, en multipliant les œuvres de bien dans ceux-ci, en multipliant le rappel d'Allah, en multipliant la lecture du Coran, et ce afin d'en éloigner les démons. Car, comme il est venu dans un autre hadith, le diable, il s'éloigne de la maison dans laquelle on lit sourate al-Baqarah. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les démons ne supportent pas cette sourate, ne supportent pas son écoute, donc ils fuient de cette demeure. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne de ne pas négliger cela, et ce afin de préserver nos foyers du mal, de la perversion des mœurs et de la perversion des croyances. Et cette parole, elle nous indique également l'interdiction de la prière auprès des tombes et dans les cimetières. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas faire de nos demeures des tombes. On comprend donc qu'auprès des tombes, il n'est pas permis de prier. Et ce ne sont pas des lieux pour faire des invocations, du rappel d'Allah ou la lecture du Coran. Car cela, ce sont des choses qui doivent être accomplies dans le foyer de la personne et non pas dans les cimetières. La deuxième parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, c'est: Et ne faites pas de ma tombe un lieu de Eid, un lieu de célébration, un lieu de commémoration. Le mot Eid en arabe, comme on l'a déjà mentionné dans un cours précédent, il signifie une chose qui revient et qui se répète, que ce soit dans la journée, dans la semaine, dans le mois ou dans l'année. Et les Eids, ils sont de deux sortes. Il y a le Eid, la célébration qui est liée à un lieu, et celle qui est liée à un temps. En ce qui concerne celle liée à un temps, on a deux fêtes dans l'année, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. La fête de la rupture à la fin du Ramadan et la fête du sacrifice durant le mois de Dhul-Hijjah. Ceci sont les fêtes légiférées pour les gens de l'islam. Et il y a des fêtes liées à des temps, des célébrations liées à des temps qui ne sont pas légiférées. À l'exemple du Mawlid, la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors les anniversaires de manière générale. Ou encore, comme il y a en ces jours, le fait de participer aux célébrations des polythéistes, comme la fête de Noël, la fête du jour de l'an, et ainsi de suite. Tout ceci, ce sont des Eids, en termes de nom, c'est des choses qui reviennent et se répètent en des moments particuliers, et ce sont des Eids qui sont interdits, ce sont des célébrations qui sont interdites. Et il y a des célébrations qui sont liées à des lieux. Et elles aussi, elles se divisent en deux, en célébrations liées à des lieux qui sont légiférées et d'autres qui sont interdites. Celles qui sont légiférées, c'est par exemple la réunion des musulmans dans les mosquées 5 fois par jour. Et ce, pour les 5 prières obligatoires. Ceci est une célébration qui est liée à un lieu qui est la mosquée. Également, il y a la prière du Jumu'ah, qui est une prière hebdomadaire, et ceci est une célébration liée à un temps, qui est le jour du Jumu'ah, liée à un lieu qui est la mosquée. Et également, parmi les célébrations qui sont liées à des lieux, il y a les célébrations des rites du pèlerinage et de la Umrah, dans la mosquée sacrée, à Mina, à Arafat, à Muzdalifa. Les musulmans, ils se réunissent en ces lieux les jours du pèlerinage pour accomplir leurs rites. Donc tout ceci, ce sont des célébrations en islam qui sont légiférées et qui sont liées à des lieux. Et parmi les célébrations liées à des lieux qui sont interdites, il y a les célébrations qui ont lieu autour des tombes. Que ce soit la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la tombe d'autres que lui parmi les gens. Le fait de voyager vers les tombes, de s'y rendre de manière répétitive pour faire des invocations, des prières, des sacrifices ou autres, tout ceci est interdit. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de ma tombe un lieu de célébration, un lieu dans lequel vous vous rendez de manière répétitive et régulière pour prier ou pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit qu'à travers cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu préserver le domaine du tawhid. Et c'est pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Ensuite, la troisième parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, c'est: et priez sur moi, car votre prière me parvient où que vous soyez. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne ici de prier sur lui. Et cet ordre, il est venu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc ordonné de prier et d'adresser nos salutations au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il a mentionné que lui-même ainsi que ses anges priaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela signifie les éloges qu'il fait à son serviteur auprès des anges rapprochés. Et la prière des anges, c'est l'imploration du pardon. Et la prière des hommes, lorsque nous on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une invocation, comme l'a mentionné l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Abu al-Aliyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne donc de prier sur lui. Et cet ordre, il nous indique l'obligation. Car la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est légiférée et obligatoire à certains moments. Notamment, elle est obligatoire, à titre d'exemple, lors de la prière dans le dernier tashahhud. Il est obligatoire de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, lorsque l'on mentionne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on prie sur lui. Et ceci est une obligation. Et en d'autres moments, il est recommandé pour le musulman de multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie sur moi une fois, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur lui 10 fois. Ceci nous montre le mérite de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous dit une indication importante: votre prière me parvient où que vous soyez. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a chargé quelqu'un des prières des musulmans sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il lui transmette. Et ce, alors qu'il est dans sa tombe sallallahu alayhi wa sallam. Où que tu sois, ta prière, elle parvient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith, il nous indique donc que ce n'est pas une condition d'être auprès de sa tombe pour prier sur lui et le saluer, et qu'il n'y a pas de spécificité en cela. Au contraire, le fait que la personne se rende spécifiquement auprès de sa tombe pour cela, ceci n'est pas légiféré. Que tu t'assoies devant sa tombe ou que tu te tiennes debout devant celle-ci pour prier sur lui et ce de manière répétitive, alors ceci n'est pas légiféré. Mais tu peux prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam où que tu te trouves. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un autre hadith nous expliquant ce que cela signifie. Et il a dit d'après Ali ibn al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu, qui a vu un homme venir auprès d'une ouverture auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entrer dans celle-ci et invoquer. Il lui a alors interdit et il a dit: ne vous rapporterai-je pas un hadith que j'ai entendu de mon père, d'après mon grand-père, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: ne faites pas de ma tombe un lieu de célébration, et ne faites pas de vos demeures des tombes, et priez sur moi, car vos salutations me parviennent où que vous soyez. Et ceci est rapporté dans Al-Mukhtar, qui est un livre de Abdullah ibn Muhammad al-Maqdisi al-Hanbali, rahimahullah ta'ala. Donc Ali ibn al-Husayn, c'est un des grands savants des tabi'in. C'est le fils de l'Husayn, le fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhumah. C'est donc un des descendants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il était surnommé Zainul Abidin. Il a donc vu un homme se rendre auprès d'une ouverture, près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Comme on a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été enterré dans sa maison, dans l'appartement de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Et cet homme avait remarqué une ouverture dans le mur. Alors, il se rendait de manière répétitive auprès de celle-ci, et il invoquait auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque Ali ibn al-Husayn l'a vu, il lui a interdit cela. Il lui a dit, ne fais pas cela. Ne te rends pas auprès de la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et n'invoque pas auprès de sa tombe. On voit donc qu'il lui a interdit le blâmable. Et ceci est une obligation. Si tu vois une personne faire une chose interdite, d'autant plus si c'est une chose menant au polythéisme, alors il t'incombe de lui interdire de faire cela. Et il ne s'est pas arrêté à l'interdiction, mais il lui a mentionné l'argument, la preuve. Il leur a alors rapporté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je veux vous rapporter une parole que j'ai entendue de mon père, c'est-à-dire Al-Husayn, qui la rapporte de mon grand-père, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib, qui la rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, ne faites pas de ma tombe un lieu de célébration. Donc ce hadith, il vient nous expliquer le hadith précédent. Et il nous montre que le fait de prendre la tombe comme lieu de célébration, cela désigne le fait de se rendre par exemple auprès de celle-ci pour invoquer et faire cela de manière répétitive. On tire donc de cela l'interdiction de se rendre auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière régulière et répétitive, même si cela est pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et on voit également à travers cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de grands efforts pour couper toutes les voies menant au polythéisme. Comme il est venu dans un hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas laissé une chose qui vous rapproche d'Allah sans vous l'expliquer, et je n'ai pas laissé une chose qui vous éloigne d'Allah sans vous mettre en garde contre celle-ci. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de grands efforts dans l'appel au tawhid, qui est la chose la plus importante à laquelle il a appelé. Et il faisait également de grands efforts dans la mise en garde contre le shirk, qui est la chose la plus grave qu'il est venu interdire. Et entre dans cela les choses menant au polythéisme, comme le fait de se rendre auprès des tombes pour prier, pour invoquer ou pour faire d'autres adorations, car les tombes ne sont pas des lieux d'adoration. On a donc terminé avec ce chapitre, et on verra dans le prochain cours, inshallah ta'ala, le chapitre suivant, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous démontrer que certaines personnes de cette communauté adorent les idoles. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.